Shalom, shalom, shalom, soyons tous bénis ce matin. Bienvenue à la prière matinale. Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Nous sommes debout ce matin pour la prière matinale. Shalom, shalom, shalom. Partageons, invitons, réveillons. Nous partageons, nous invitons, nous allons prier tout à l'heure. C'est la prière matinale, debout, debout, debout. Partageons, partageons, réveillons, invitons. C'est la prière matinale. Invite, invite, invite, invite, partage. Nous louons le Seigneur ce matin. Nous sommes au 11e mois de 2020. C'est une victoire. Si tu es debout, viens louer le Seigneur. C'est une victoire ce matin que d'être debout. Je me l'ai loué. Partageons. Shalom, soyons bénis ce matin. Aujourd'hui, c'est la fête des morts, la fête de Toussaint. C'est très grave. Vous commencez un mois avec la fête des morts, ça veut dire que le reste du mois sera la mort. Nous allons prier ce matin pour annuler ça. Donc la prière de ce matin est très importante. Très, très importante. Et réveille quelqu'un, invite quelqu'un, appelle quelqu'un, venir prier, partage avec quelqu'un. Comme j'étais réveillée, la réveille aussi quelqu'un. C'est très important. La fête des morts. La fête des morts, tu sais ce que c'est? Et ils savent ce qu'ils font. Ce matin, beaucoup vont aller sacrer les tombes. Beaucoup vont aller prier les morts. Beaucoup vont aller parler aux morts. Beaucoup vont aller sacrifier leur vie eux-mêmes pour les morts. Mais toi, tu es sage. Tu te réveilles ce matin. Je vais vous faire écouter les témoignages de délivrance après la prière matinale. Invite quelqu'un à venir prier ce matin. C'est important. C'est très important la prière de ce matin. Nous partageons encore un peu et puis nous allons prier ça. Invite quelqu'un, envoie dans les messageries, ils vont se réveiller, ils viendront prier. C'est très important ce que nous faisons. Invite, nous allons prier ce matin. Alléluia. Nous commençons par dire merci au Seigneur parce qu'il nous a réveillés. Pendant que tu étais couché, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant que tu n'étais couché, continue à partager. Alléluia. Ce matin, nous disons merci au Seigneur pour son amour. Qui savait qu'il devait arriver au 11e mois? C'était un combat grave. Les morts par-ci, les morts par-là. 2020 est venu avec beaucoup de calamités. Le COVID-ci. Mais toi et moi, nous sommes debout. Toi et moi, nous sommes debout. C'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est une victoire. C'est une victoire. Les sorciers ont pris ce COVID-là. Ils ont commencé à lancer aux gens pour que les gens meurent. Mais toi, Dieu t'a gardé. Lève tes mains comme ça. Seigneur Jésus, merci. Nous sommes le premier du 11e mois aujourd'hui. Le premier 11-2020. Aujourd'hui, c'est la fête des morts. Aujourd'hui, on fête les morts dans le monde. Mais toi et moi, nous sommes parmi les vivants. C'est un privilège. C'est une occasion de dire au Seigneur, merci. De dire au Seigneur, je te bénis. De dire au Seigneur, je te rends grâce. De dire au Seigneur, je te célèbre. De dire au Seigneur merci. Je te dis merci mon Dieu. Je n'ai rien fait pour être debout. Ce n'est que ta grâce. C'est ta miséricorde. C'est ton amour. Je n'ai enterré personne cette année. Merci Seigneur. Dis merci à Dieu là où tu es. Merci Seigneur. Partage cette émission. Partage cette prière matinale. Ce matin nous allons prier. Nous allons prier ce matin pour dire merci au Seigneur. J'ai un témoignage, j'ai plein de témoignages que je vais vous faire écouter ce matin, par la grâce de Dieu. Seigneur, je te dis merci pour la vie. Merci pour toutes les personnes que tu m'as données. Merci pour ceux qui sont en vie. Merci pour ceux que tu protèges. Merci pour ma famille, mes enfants, mon mari, mes frères, mes soeurs, mes enfants spirituels. Je te dis merci, Seigneur. Nous sommes en train de finir 2020. Nous devons être reconnaissants. Ce mois, nous allons prier toujours tous les matins. C'est très important. Je dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Je suis reconnaissante. Même si tu as perdu les gens cette année, toi, tu n'es pas mort. Dis merci au Seigneur. Seigneur, même si j'ai perdu les gens, moi, tu m'as maintenu en vie. La vie, c'est une grâce. Si Dieu t'a maintenu en vie, c'est parce qu'il a des projets pour toi. C'est parce qu'il veut encore que tu arranges ta vie. C'est quand on est vivant qu'on arrange sa vie. Ce n'est pas quand on est mort. Quand on est mort, c'est fini. Quand on est vivant, on arrange sa vie avec le Seigneur. Si Dieu a permis que tu sois encore en vie aujourd'hui, ce n'est pas pour montrer au monde que tu es beau, que tu es belle, ou bien parce que tu as les grands projets. Non, c'est parce que Dieu t'aime. Il ne veut pas perdre ton âme. Il veut que tu appartiennes à la connaissance de la vérité. Il veut que tu arrives à la repentance. Le Seigneur veut que tu te repentes. C'est pour ça qu'il t'a maintenu en vie. Il t'a maintenu en vie pour ça. Dis-lui merci ce matin. Seigneur, je viens te recommander la prière matinale de ce matin. Je prie pour tous ceux qui seront connectés. Je prie pour tous ceux qui vont prier. Que ta main soit sur ces personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, dirige-nous. Que ton onction soit présente. Que ta puissance soit présente. La puissance de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen. Je vais vous faire écouter un témoignage d'une femme. Après la prière matinale, elle a fait un accident. Dieu a préservé sa vie. Je vous assure. Elle m'a envoyé son témoignage. Je vais vous faire écouter son témoignage ce matin. Écoutez. Shalom, maman Didier. Bonjour. Maman Didier, je suis dans la joie à cause de vos prières que vous faites souvent tous les matins à l'école de Esther. Je suis ces prières avant d'aller au boulot. Je me nomme Lumière Kérène Abouane. Je vis à Yaoundé. Hier matin, après la prière matinale, je me rendais à Obala. Et au niveau de la distance est sombre. Notre véhicule, le frein s'est lâché. Et ça a failli faire l'hécatombe. Nous sommes donc allés entrer dans la rigole. Nous avons fait une course folle. Et puis... les gens criaient, j'entendais comment les gens criaient au Jésus, les gens criaient Allah, les gens criaient à leur patois, ils appelaient le nom de l'Éternel et puis on est allé entrer dans le ravin. Gloire à Dieu parce que personne de nous n'a eu une, mais c'est la voiture qui a été endommagée. Je remercie l'Éternel par rapport à cela et par rapport aux prières matinales. Et aussi, comme on a fait la prière sur les causes difficiles. Maman Dédé, hier aussi, nous avons prié sur les causes difficiles. Et là, je me suis connectée par rapport à mes enfants. J'ai fait les deux enfants avec une grande personnalité sur la place qui avait abandonné les enfants. Et mes enfants n'étaient pas encore inscrits à l'école depuis le début de cette année. Ils allaient comme ça à l'école prendre les cours alors qu'ils n'étaient pas inscrits. Hier, pendant que j'étais toujours sur la route au bas là, c'est comme ça donc je vois un orange morning qui sonne dans un orange morning dans mon téléphone. Je ne savais pas, je ne reconnaissais pas le numéro. Et quelques minutes après, son secrétaire particulier m'a appelé en me disant: Madame, est-ce que vous avez reçu tel montant? C'est le ministre tel qui m'a envoyé vous donner cet argent. Je bénis l'Éternel. Prière matinale. Comment le Seigneur l'a délivré de la mort et après il l'a béni. C'est important la prière matinale. C'est important. Et ce matin, nous allons consacrer notre mois entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur l'a délivré de la mort et le Seigneur l'a béni. Commence à dire: Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis dans les rêves. Tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit, partage la vidéo. Pendant que tu partages le témoin, là, tu te connectes. Dieu l'a délivré de la mort. Dieu l'a béni financièrement. Elle dit une grosse somme d'argent. Une grosse somme d'argent qu'elle a eue. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Mais ce matin, la mort quitte ta maison. Ce matin, la mort te quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi au nom de Jésus. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi tout péché que j'ai commis dans les rêves. Je vous ai expliqué et je vous explique toujours. Ne dis pas que parce que je viens de me réveiller que je n'ai pas péché. Non, tu pèches dans tes rêves. Au nom de Jésus, dis, Seigneur, pardonne-moi tout péché que j'ai commis dans les rêves. Je te demande pardon au nom de Jésus. Tout péché que j'ai commis dans les rêves, Seigneur, pardonne-moi par la puissance du Saint-Esprit. Pardonne-moi par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, tout péché que j'ai commis dans les rêves, je prie que tu me pardonnes. Je prie que tu me pardonnes. Tout péché sexuel, il y en a qui ont commis des péchés sexuels. Il y en a qui ont commis des péchés verbaux. Il y en a qui se sont querellés dans les rêves cette nuit. Il y en a qui ont bagarré dans les rêves cette nuit. Il y en a qui ont je ne sais pas quoi, pris au nom de Jésus. Pendant que tu partages, dis, Seigneur, pardonne-moi, que le sang de Jésus-Christ me purifie ce matin. Au nom de Jésus, invoque le sang de Jésus pour te purifier. Il y en a qui ont dormi avec la colère. La Bible dit que si tu te mets en colère, la Bible ne nous interdit pas de nous mettre en colère. Parce que Dieu a prévu que nous sommes des hommes. Il y a des gens qui vont venir nous énerver. Mais il a dit, si tu te mets en colère, ne pêche point. Dieu a dit de ne pas pécher et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais toi, tu es là, tu as dormi dans la colère. Prie et demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Si tu mourrais, tu allais faire comment? Tu allais partir en enfer direct. Tu allais partir en enfer. Et Dieu a permis que tu te réveilles. Dis, Seigneur, pardonne-moi cette colère avec laquelle j'ai dormi. Je te demande pardon, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Demande pardon à Dieu. Pour tout péché, tout péché. Tu es entré dans le 11e mois avec un cœur noir, un cœur lourd. Tu n'arrives pas à pardonner. Oui, tel m'a fait ceci. Oui, tel m'a parlé mal de moi. Toi, tu n'as jamais parlé mal de quelqu'un. Hein? Oh, tel m'a insulté. Toi, tu n'as jamais insulté quelqu'un. Oh, tel m'a fait cela. Oh, tu es toujours. Tu n'as que ça dans la bouche. Tu passes le temps à te plaindre. Si je souffre aujourd'hui, c'est parce que tel ne s'est pas occupé de moi. Si je souffre aujourd'hui, c'est parce que mon père m'a abandonné. Si je souffre aujourd'hui, voilà une femme. L'homme a abandonné les enfants. Elle n'est pas partie bagarrer. Elle a prié le matin et Dieu, pendant qu'on priait pour les problèmes difficiles, Dieu est parti toucher le cœur de ce monsieur qui n'est même pas son mari, qui est le mari de tout lui. Mais Dieu a touché son cœur que va faire du bien à cette femme-là. Dieu est comme il est. Dieu est Dieu. Lève-toi et demande pardon, Seigneur, ce matin. Dis, Seigneur, aide-moi à pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Je veux pardonner ce matin. Je n'ai pas envie de finir l'année avec les rancunes. Je n'ai pas envie de finir l'année avec la méchanceté. Sinon, c'est la mort que tu attires. Je t'ai dit comment est-ce que tu dois prier pour éloigner la mort. Tu as écouté ce témoignage, comment cette femme, Dieu l'a protégée de la mort. Elle a fini de prier le matin avec nous. Elle a pris la voiture pour aller dans un village. La voiture a fait tonneau. La voiture s'est écrasée. La voiture est détruite. Elle est sortie avec tout. C'est elle qui a sauvé les gens là. Dieu l'a utilisée pour sauver ceux qui étaient avec elle. Pendant que tu pries, Dieu va t'utiliser pour sauver ceux qui sont avec toi. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, je te demande pardon ce matin, Seigneur. Je te demande pardon pour toute mauvaise pensée. Je n'arrive pas à pardonner, Seigneur. Pardonne-moi au nom de Jésus. Même si la personne t'a fait quoi, même si c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un chez toi, pardonne ce matin. Le Seigneur te fera grâce. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pose la main sur ton cœur. Je prie pour toi qui n'arrive pas à pardonner. Je prie que le Seigneur t'aide à pardonner. Toute personne qui t'a fait du mal, reçois la force de pardonner cette personne ce matin. Reçois le courage. Reçois le Saint-Esprit qui t'aide à pardonner, à ne plus murmurer, à ne plus te plaindre. Non, nous avons un Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous plaindre. Là, Jésus a dit, qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Est-ce que c'est parce que tu te plains que tu es arrivé aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que tu te plains que tu es debout ce matin? Tous ceux qui t'ont fait du mal là, ils t'ont fait ce mal. Mais tu n'es pas mort, mais tu vis. Rends grâce au Seigneur et pardonne-les, quitte sur ça. Au nom de Jésus. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas aussi te pardonner. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans la prière dominicale. Père, pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Toi, tu n'arrives pas à pardonner, mais tu veux que Dieu te pardonne. Ce n'est pas possible. Dis, Seigneur, que ton sang lave mon âme ce matin. Que ton sang lave mon esprit ce matin. Que ton sang me purifie ce matin, Seigneur. Purifie mon mari, mes enfants. Que le sang de Jésus coule dans ma maison. Nous sommes en train de combattre la mort. Aujourd'hui, c'est la fête des tous saints. Merci, servante de Dieu. Le pardon est très important. C'est la fête des morts. Beaucoup sont en train de célébrer les morts, en train de prier pour les morts, en train de parler aux morts. Toi, invoque le sang de Jésus sur toi. La Bible dit que les morts sont morts. Il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. On ne parle pas aux morts. On ne prie pas pour les morts. On n'invoque pas les morts. Commence à invoquer le sang de Jésus sur toi. Les gens qui rêvent des morts, ce n'est pas une bonne chose. Oui, j'ai vu mon père qui est mort, qui est venu me donner telle instruction. Quand il était vivant, il a oublié de donner l'instruction. C'est quand il meurt qu'il part se réveiller, il se souvient que, j'ai laissé ma fille là-bas, je m'en vais lui donner les instructions. C'est des histoires. Si tu rêves même, il y a des personnes décédées, il te faut la délivrance. Quand tu vois déjà les personnes décédées dans tes rêves, c'est que la mort vient à te chercher. C'est que la mort vient à te prendre. Commence à invoquer le sang de Jésus. Si tu as rêvé des morts, je ne sais pas depuis quand, dis Seigneur que ton sang lave mon âme. Que ton sang lave mon esprit. Partage cette prière. Dis, Seigneur, que ton sang me purifie en ce premier jour du 11e mois. Pendant que le monde est en train de fêter les morts, moi, je ne suis pas morte. Au nom de Jésus, Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant. Donc, quand quelqu'un est mort, c'est fini. Et puis, si une personne même n'est pas morte en Christ, comment encore aller invoquer un mort qui est en enfer? Ceux qui sont morts sans Christ, là, sont en enfer. Le purgatoire n'existe pas. Ils sont en train de brûler. Ils attendent le jugement dernier. Comment toi qui as la possibilité de causer avec le Dieu des vivants, toi, tu pars parler aux morts. Prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, que ton sang lave mon âme. Que ton sang lave mon esprit. Que ton sang me purifie. Seigneur, invoque le sang de Jésus ce matin. Le sang de Jésus qui éloigne la mort. Dis, Seigneur, que ton sang descende sur mes enfants, mon mari, mes frères, mes soeurs, sur ma femme, dans ma maison. Que l'ange de la mort ne passe pas à côté de chez moi. J'éloigne l'ange de la mort par le sang de Jésus. Commence à éloigner l'ange de la mort de ta maison. Aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Et toute la nuit, tu ne sais pas les pratiques qu'ils ont faites pour avoir les accidents, pour avoir recueilli le sang. Il y a des choses qui se sont faites la nuit. Alors dis, Seigneur, ton sang dans ma famille, ton sang dans ma maison, ton sang dans ma vie, ton sang dans mes activités, ton sang dans mes projets, ton sang dans les domaines de ma vie. Seigneur Jésus, j'invoque ton sang, j'invoque ton sang, invoque le sang de Jésus, partage en même temps que tu te connectes, réveille ceux qui dorment. On ne sait jamais. Ceux qui dorment là, ils vont sortir sans prier. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait dans les carrefours. Des incantations pour voler les âmes des gens, pour tuer les gens précocement. Quand tu meurs avant ton temps, est-ce que tu as eu le temps de te repentir? Invoque le sang de Jésus sur toutes les personnes que tu aimes, toutes les personnes que tu connais. J'invoque le sang de Jésus sur toutes les personnes qui sont connectées à ce live, qui sont en train de prier. Que le sang de Jésus vous inonde, que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus dans mon âme, dans ma vie, sur mes enfants spirituels. Que le sang de Jésus-Christ nous cache, nous couvre. Je me cache dans le sang de Jésus. Pendant qu'ils vont chercher les gens qui vont manger, que le sang de Jésus coule dans mes veines. Prie au nom de Jésus, dis Seigneur, que ton sang coule dans mes veines. Toute personne qui va essayer de boire mon sang, si tu peux boire le sang de Jésus, viens boire. Le sang de Jésus dans mes veines, dans les veines de mon mari, dans les veines de mes enfants. C'est le sang de Jésus qui coule dans les veines de mes frères, de mes sœurs. C'est le sang de Jésus qui coule. Que le sang de Jésus coule dans nos veines. Que le sang de Jésus coule dans nos veines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton sang coule dans les veines de mes enfants spirituels. Personne ne mourra de COVID. Personne ne mourra d'attaque. Personne ne mourra de sorcellerie. Le sang de Jésus nous cache, nous couvre, coule dans nos veines. Au nom de Jésus, c'est pour ça que nous, on prend la Sainte-Seine tous les jours. On boit le sang de Jésus. On mange son corps. La personne qui peut venir manger la chair de Jésus, vient essayer de me manger. Viens essayer au nom de Jésus, tu vas voir. Donc, tu dois prier en cette période où le monde fête la mort. Est-ce qu'on peut fêter la mort? On fête la résurrection. La mort, on fête la mort. Il y en a qui vont commencer, oui, dans les familles, on va faire les funérailles en l'honneur de tel. Une minute de silence pour faire quoi? Une minute de silence, là, c'est pour faire quoi? C'est des choses qui sont diaboliques. Les minutes de silence et tout ça. Nous ne devons pas accepter ces choses. Nous devons combattre ces choses. Je veux que tu te lèves ce matin et que tu commences à allumer le feu. Allumer le feu pour dire au nom de Jésus, aucun domaine de ma vie ne sera sacrifié. Fais cette prière. Je ne mourrai pas avant mon temps. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas d'une mort précoce. Je ne vais pas enterrer quelqu'un chez moi en cette fin d'année. Par la puissance de Dieu, ouvre ta bouche et commence à parler. C'est ce que tu déclares qui t'arrive. Je dis au nom de Jésus, la mort dans ma maison, c'est pour mes ennemis. Je renvoie la mort chez mes ennemis. J'allume le feu chez moi. J'allume le feu en moi. J'allume le feu sur mon mari. J'allume le feu sur ma femme. J'allume le feu sur mes enfants. J'allume le feu sur mes frères, sur mes soeurs. J'allume le feu sur mes enfants spirituels. Je dis au nom de Jésus-Christ, la mort, c'est pour mes ennemis. La mort, c'est pour mes adversaires. Pas de mort dans ma maison. Je chasse la mort par le feu. L'ange de la mort sort de ma maison. Toute tentative de me tuer, au nom de Jésus, les pratiques qu'ils ont faites contre moi, alors ouvre ta bouche et prie. Déclare que toute pratique qu'ils ont faite pour m'assassiner, pour boire mon sang, pour détruire ma paix, pour tuer quoi que ce soit, qui que ce soit à côté de moi, au nom de Jésus, je détruis ça par le feu. Je détruis ça par le feu. Je détruis les accidents, la mort subite, la mort précoce, les maladies qu'ils ont envoyées pour venir me tuer. Je détruis par le feu. Je dis, je détruis, aucun domaine de ma vie ne mourra. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes finances ne vont pas mourir. Ma vie financière ne mourra pas. Mes relations ne vont pas mourir. Mon mariage ne mourra pas. Mes activités ne mourront pas. Mon ministère ne mourra pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse la mort. Je chasse la mort. Chasse la mort au nom de Jésus. Chasse la mort au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, chasse la mort par le feu. Déclare au nom de Jésus que la mort n'est pas pour toi. La mort, c'est pour mes ennemis. Je refuse la mort dans ma maison. Dans ma maison, c'est la vie. Dans ma maison, c'est la joie. Dans ma maison, c'est la paix. Dans ma maison, pas de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, c'est toi qui dois chasser la mort chez toi. C'est même pas moi. C'est toi qui, il y a des morts chez toi, c'est toi qui vas pleurer, c'est toi qui vas dépenser. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie par la puissance du Saint-Esprit. Prie par l'autorité de Jésus. Beaucoup ont déjà été sacrifiés. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé un message. Je vous ferai un live en journée pour vous expliquer. Et nous allons toujours prier pour détruire l'envoûtement par les figurines. Je vous ai parlé de l'envoûtement par les figurines. Comment elle m'a raconté ça même pendant 10 minutes. Alors, chasse la mort de ta maison. La mort peut, quelqu'un ne peut pas seulement, on va dire quelqu'un est mort, non. Mais la mort commence par être physique. Elle raconte comment sa grand-mère sorcière est venue faire la sorcellerie chez eux. Leur père vivait seulement dehors. C'est ça la mort. Tu es marié, le mari sort et t'abandonne. Tu penses que c'est la vie. C'est la mort. Chasse la mort dans tout ce que tu fais. Chasse la mort. Tout ce qui apporte la tristesse, c'est la mort. Les maladies, c'est déjà presque la mort. Quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas se mouvoir. Je vous ai fait le témoignage du frère qui est délivré de la leucémie. La leucémie, il était déjà presque mourant, mort. Le Seigneur lui a donné la vie. Le Seigneur l'a guéri. Alors prie, dit Seigneur, que tout ce qu'on a envoyé dans ma vie pour me tuer là, ça doit partir. Je chasse ça au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont des entités dans leur corps qui marchent. Tu penses que c'est venu pour te chatouiller. C'est venu pour te tuer. Le truc qui marche dans ton corps là, c'est là pour te tuer. Commence à annuler toutes les missions, des choses, des attaques qui sont là pour te tuer. Si tu as un truc qui marche dans ton corps, parle à cette histoire. Dis-toi, tu es venu dans mon corps pour me tuer. J'annule ta mission dans mon corps. Tu ne vas pas me tuer. Au nom de Jésus, tout ce qui a pour mission de me tuer, j'annule cette mission. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui a pour mandat de venir me tuer aujourd'hui, ou bien je ne sais pas quand, de venir détruire, tuer ce qui m'appartient. Je détruis ça au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Alors l'autre qui dit qu'ils l'ont poursuivi cette nuit, il a couru, pas possible. Il venait pour te tuer. Alors commence à détruire tout ce qui me poursuit pour me tuer. Vous avez une mission de me tuer et vous venez me poursuivre dans les rêves. J'annule votre mission. Votre mission est nulle et sans effet. Tu peux également m'envoyer ton rêve et nous allons prier pour détruire ça. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont pour mission de venir me tuer, qui viennent me poursuivre dans les rêves, je dis que votre mission a échoué. Au nom de Jésus, allez dire à ceux qui vous ont envoyé que vous ne m'avez pas trouvé. Et quand dans le monde des ténèbres, quelqu'un échoue sa mission, il n'y a pas de pardon là-bas. Œil pour œil, dent pour dent, ils vont mourir. Ce sont eux qui vont mourir à ta place. Donc annule toutes les missions. Toute personne qui est partie se porter garant dans la sorcellerie, que lui va venir boire ton sang, il va venir manger ta chair, annule sa mission. Il va partir lui-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui a eu cette mission, qui est partie se porter garant, qui va sacrifier quelque chose qui m'appartient, mon frère, tu vas partir toi-même. J'annule cette mission au nom de Jésus. J'annule cette mission au nom de Jésus. J'annule toute mission, tout serpent qu'on a envoyé contre moi pour venir me tuer. Ta mission est annulée au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus. Tout hôtel dirigé contre moi pour venir m'avaler, pour venir avaler mes choses, avaler les domaines de ma vie, pour venir avaler je ne sais pas quoi mes enfants. Je dis que j'annule ta mission. J'annule ta mission. Commence par annuler les missions avant de les tuer. Parce que si tu les tues avant, quelqu'un d'autre va venir prendre la mission. Alors j'annule toute mission des ténèbres. Toute personne qu'on envoyait à côté de moi pour venir me détruire, ta mission est annulée. Ta mission est annulée. Voilà l'autre qui dit qu'elle a rêvé qu'on lui annonçait la mort d'une connaissance. Renverse la mort là. Renverse. L'autre dit qu'on était poursuivi dans le rêve. Elle volait pour aller se cacher. Quand tu voles dans le rêve, c'est pas bien. C'est la sorcellerie inconsciente. Il faut vraiment la délivrance pour ça. Quand tu es poursuivi dans les rêves, tu peux fuir. Hein? Mais quand tu commences à t'envoler, tu es un sorcier inconscient. Alléluia. Tu es un sorcier inconscient et il te faut la délivrance parce qu'ils font de toi ce qu'ils veulent. Amen, amen, amen. Maintenant, toi qui on a annoncé la mort d'une connaissance, la mort de la connaissance, la mort n'est pas bien. Chasse la mort, refuse. Refuse la mort. Toute personne qui a pour mission de tuer quelqu'un à côté de moi, j'annule cette mission-là. Maintenant, je libère les captifs. Les gens qu'on a déjà sacrifiés dans la famille où je suis sortie. Je vous libère au nom de Jésus. Commence à libérer les captifs des gens qui sont à côté de toi. À cause de toi, Dieu peut sauver plein de gens à côté de toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Dis pas la puissance de Dieu. Si on a sacrifié quelqu'un dans ma maison, je prie que la personne-là soit libérée. On a sacrifié quelqu'un dans ma famille. Je libère toutes les âmes sacrifiées. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun sorcier qui a une mission de tuer les gens dans cette famille-là ne va réussir sa mission en cette fin d'année. Shalom, maman Odette. Au nom de Jésus-Christ, ne va réussir sa mission cette année. Tout sorcier qui a pour mission de sacrifier les âmes à Satan dans les familles là où je suis allée en mariage, je dis au nom de Jésus cette année-là, aujourd'hui là, comme c'est votre fête des morts, j'annule ta mission. Je dis que si tu as longtemps réussi, cette fois-ci tu ne réussiras pas. Commence à prier au nom de Jésus. Tout sorcier dans ta famille qui a l'habitude ou bien qui est, c'est la première fois, qui veut sacrifier les vies, annule sa mission. Dis que tu ne vas pas réussir, qui que tu sois. Quel que soit ton grade dans les ténèbres, je dis au nom de Jésus-Christ, le feu sur toi. Commençons à envoyer le feu à tous les vendeurs d'âmes. Les gens qui sont là pour vendre les âmes à Satan. Je ne sais pas qui ils sont, où ils sont. Dans la famille où tu es sorti, les deux familles, là où tu es parti en mariage. Tout vendeur d'âmes, c'est à toi que j'envoie le feu ce matin. J'envoie le feu à tous les vendeurs d'âmes. J'envoie le feu à tous les vendeurs d'âmes, à tous les sorciers qui font le trafic d'âmes, qui vendent les âmes à Satan. Je vous envoie le feu ce matin. J'annule votre mission. Votre commerce ne va pas marcher. Ça ne va pas réussir. Vous n'avez créé aucune âme. Vous n'avez aucun droit de vendre les âmes à Satan. Jésus est venu mourir pour sauver les âmes. Pendant ce temps, vous vous sacrifiez les âmes à Satan. Je me lève contre vous ce matin. Je me lève contre vous ce matin. Tous les vendeurs d'âmes dans la famille de celle qui m'a mis au monde, dans la famille de mon géniteur, là où je suis partie en mariage, les vendeurs d'âmes, le feu sur vous, le feu dans vos activités, le feu dans vos projets. Je dis au nom de Jésus, si ne vous vous repentez pas, ce sont vos âmes qui vont partir avec les âmes de vos maris, de vos femmes, les âmes de vos enfants. Vous n'allez plus vendre les âmes des innocents au nom de Jésus. J'espère que tu es en train de prier là où tu es. Dis tous les vendeurs d'âmes dans les familles où je suis sorti, les vendeurs d'âmes là où je travaille, les vendeurs d'âmes dans le quartier où j'habite, les vendeurs d'âmes des familles de mes enfants spirituels, j'envoie le feu sur vous. Je dis le feu sur vous, tous les vendeurs d'âmes, vous êtes paralysés ce matin. Le feu sur vous en cette fin de Toussaint, les esprits de mort que vous envoyez dans les familles, ça vient vous chercher vous-même. Je retourne ça sur vous. Je m'élève contre les vendeurs d'âmes. Commence à renvoyer les esprits de mort. L'ange de la mort, allez les chercher eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ont pour mission dans les familles, il y en a dans les familles, ils sont comme ça aussi la fin de l'année. Ils vont commencer à vous partager l'argent. Je n'ai pas dit que quand on te donne, ce n'est pas bien. Mais prie sur ça. Prie. L'argent qu'on va te donner là. Ah oui, tu es où depuis? Je connais une femme qu'on a sacrifiée à cause de l'argent. La personne là lui avait jamais donné beaucoup d'argent comme ça. La personne là l'a appelé en fin d'année comme ça, l'invité dans un faux truc. Quand j'avais vu les photos là, j'ai dit que la fête, c'est la mort. Faites attention. Personne ne m'avait écouté. Personne ne m'avait écouté. La femme est morte des mois plus tard. La personne l'a invitée, lui a donné beaucoup d'argent. Elle était contente. Ouais, enfin, on a pensé à moi, mon frère. Quand on te donne l'argent, ils vont les sorciers, ils sont comme ça à la fin de l'année. Si toute l'année, tu pars demander, on ne te donne pas, on te méprise, on t'insulte, on te chiffonne. Mais en fin d'année, va préparer l'argent pour venir te donner. L'argent, là, si tu prends ça, prie d'abord sur ça. Après, enlève la dîme, va donner à Dieu. Parce que la dîme, c'est la mort. Quand Dieu te donne la dîme, la dixième partie, c'est que, Seigneur, l'argent que tu m'as donné, j'enlève la mort, je te remets. Et Dieu combat pour toi. Les gens qui vous disent de ne pas donner la dîme, là, sont des sorciers. Ne les écoutez pas. Je vous dis que la fête, la fin d'année, si, les vendeurs d'âmes dans les familles, là, ils vont commencer à vous partager l'argent. L'argent que tu es parti lui demander, quand tu avais des vrais problèmes, il ne va pas te donner. Ah non, c'est la fin d'année. Ce sont les fêtes de fin d'année. Va acheter la nourriture aux enfants. Va acheter les habits. Ah, c'est la fête de Noël. Ah, ceci. Pourquoi il ne t'a pas donné quand tu avais un vrai problème? Les vendeurs d'âmes. Il faut envoyer le feu. Et vous allez voir, ceux qui vont vraiment allumer le feu, ils ne vont pas vous donner. Ils ne vont rien vous donner. Ils vont donner à tout le monde sauf à vous. Quand tu vas commencer à allumer le feu sur les vendeurs d'âmes, ils ne vont plus te donner l'argent. Ne sois pas surpris s'il y a quelqu'un dans ta famille qui partage l'argent à tout le monde, qui farote, et toi, à ton tour, la personne te chasse. Dis gloire à Dieu. Dis Seigneur Jésus, merci. Dieu va toucher le cœur d'une vraie personne pour te bénir. Parce que ces vendeurs d'âmes sont en train de faire les sacrifices. L'argent qu'ils viennent vous donner, c'est des argents sacrifiés. Parfois, c'est des argents que les serpents ont vomi. Est-ce que tu connais? Il y en a quand ils ont l'argent, ils fuient l'église. Alors que c'est quand tu as l'argent que tu dois venir à l'église. L'argent que tu as eu là, tu sais que la personne a pris où? On a vu un monsieur qui est mort, cotisation, tontine, djangui. Il part donner son argent. Quand il récupère, c'est déjà la mort ça. Faites attention, allumez le feu toujours. Je vous donne les vrais conseils. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Allumez le feu sur les vendeurs d'âmes, ceux qui font des sacrifices à Satan. Ce n'est pas écrit sur le visage. Tu ne peux pas savoir que quelqu'un est sorcier ou pas, à moins que Dieu ne te révèle. Il y a des sorciers qui sont polis, qui sont gentils, qui sont beaux, que tu ne peux pas imaginer. Mais le feu de Dieu fait tomber leur voile. Ça fait tomber le masque. Dis, Seigneur, dévoile tous les vendeurs d'âmes à côté de moi. Dévoile tous les sorciers à côté de moi. En cette fin d'année, ceux qui sont en train de préparer les sacrifices. Ils sont en train de préparer les sacrifices. Les gens qui vont sacrifier. Et ces gens-là sont ceux qui font toujours les deuils. Dans les familles, quelqu'un spécialisé, sa spécialité, son argent n'est que pour faire les deuils. Acheter les cercueils. Ceci, cela. Toi, tu ne fais pas les bonnes choses avec ton argent. Tu n'aides pas les gens vrais, bien, bien avec ton argent. Ce n'est que pour faire les deuils. Le feu sur vous. Tous les vendeurs d'âmes des familles, des personnes qui sont connectées. Nous nous accordons pour vous envoyer le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'allez pas tuer encore les gens comme ça. Avant, ça se passait parce que les gens étaient ignorants. Maintenant, Dieu est en train de révéler leur plan. Dieu est en train de révéler leur tactique. Nous devons annuler ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les sorciers des quartiers, les sorciers des villages, le feu sur vous, les sorciers des villes, les sorciers des pays, les sorciers du monde, recevez le feu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les victimes soient libres. Je libère toutes les victimes à côté de moi. Vous n'allez sacrifier personne à côté de moi. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je dis amen, amen, amen. Maintenant, tu vas prier pour les domaines de ta vie. Quand le diable ne peut pas te tuer, toi, physiquement, il va te faire, il va te nuire, il va te faire dépenser l'argent. C'est maintenant qu'on va te dire, oui, quelqu'un est malade. Il y a les sorciers qui tombent seulement malades. Pardon, suivez-moi dans l'après-midi. Je vais vous faire écouter le témoignage de la soeur, là. Comment sa sorcière grand-mère, là, tombait sur une maladie bizarre. On l'amenait chez eux et on dit que l'intestin pourrit. On l'amène à l'hôpital, on donne les remèdes, ne boit pas. Donc, elle venait en mission dans la maison de cette famille-là. Elle venait seulement détruire. Après, elle a pris les feuilles scolaires des enfants de son fils pour aller faire la sorcellerie. La femme me dit, maman, on était bêtes à l'école. À cause de ça, notre père quittait la maison parce qu'il nous insultait qu'on était bêtes. Je vais vous faire écouter le témoin là ce soir. Le live que je fais ce soir-ci, écoute ça. Ça va te donner la sagesse. Il y a les sorciers qui sont toujours en train de tomber malades. Quand toi, tu as l'argent, c'est un sorcier. Toute personne qui a pour mission de tomber seulement malade. Quand toi, tu peux un peu avoir de l'argent. Quand toi, tu veux un peu respirer, c'est un sorcier. Envoie le feu à tous les sorciers. Ils vont vouloir sacrifier tes finances, tes projets. Peut-être tu vas faire l'accident, tu ne vas pas mourir. Mais la voiture va se casser. Il faut arranger. Il faut réparer. Nous qui sommes en Europe, là, c'est l'hiver. Hiver sans voiture, c'est très compliqué. Comme ils ne peuvent pas te tuer, ils vont détruire ta voiture. Ils vont te mettre dans un problème, un faux problème. Tu vas dépenser comme ça. Quand ton argent va finir, c'est là où le problème finit. Allume le feu. Dis-vous là, qui venez pour me faire perdre l'argent, pour venir attaquer un domaine de ma vie. Je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Vous n'allez attaquer aucun domaine de ma vie. Je dis au nom de Jésus, les dépenses inutiles, les maladies bizarres, vous qui tombez toujours malade, à un moment donné pour me faire dépenser, je vous envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je vous envoie le feu. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, commence à sécuriser tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, les problèmes que vous voulez susciter dans ma vie là, parce que vous ne pouvez pas me tuer. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, aucun sorcier ne peut te tuer. Mais il va chercher à te nuire. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu descend dans tous les domaines de ma vie. Vous ne pouvez pas me nuire. C'est moi qui vous nuis avec le feu. Je dis, vous n'allez pas me nuire, Satan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes en confinement. Nous, on peut tirer la prière aujourd'hui. Alors, prie au nom de Jésus-Christ. pris par la puissance du Saint-Esprit. Dis, vous n'allez pas me nuire. Vous n'allez nuire aucun domaine de ma vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Vous n'allez nuire aucun domaine de ma vie. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'allez nuire aucun domaine de ma vie. Je dis aucun domaine de ma vie. Par l'autorité de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Aucun domaine de ma vie. Tu restes comme ça. Oui, on t'appelle. Oui, tel veut à mourir. On cotise. Envoie l'argent, mon frère. Non, ton argent, tu ne peux pas aussi te réjouir avec. Qui vous a dit que c'est interdit que moi j'ai l'argent et que je fasse ce que je veux avec? Donc toi, ton argent, c'est vraiment pour donner dans les projets des autres. Pour que les projets des autres réussissent. Pour que les autres avancent. Pour que les autres soient heureux. Mais toi, Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est de la sorcellerie. Refuse ça ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prier pour recommander ce mois entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, je te recommande le 11e mois de cette année. Mon 11e mois. Je prie, Seigneur, mon Dieu, ça a combien de jours? Peut-être 30 jours. Prie pour les 30 jours de cette année, de ce mois. Dis, Seigneur, je te recommande le premier jour. Au nom de Jésus, je te recommande, Seigneur. Amen, amen, amen. Je te recommande le premier jour. Aujourd'hui, c'est le premier jour du 11e mois. Seigneur, je te recommande ce jour. Toutes les 24 heures, prends le plein contrôle. Au nom de Jésus-Christ, le deuxième jour, les 24 heures, prends le contrôle, Seigneur. Le troisième jour, je remets entre tes mains. Le troisième jour de ce mois, Seigneur, mon Dieu, prends le contrôle de ma vie. Toutes les 24 heures, le quatrième jour, Seigneur, je te recommande ce mois. Au nom de Jésus, ce jour, le cinquième jour, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle du sixième jour. Prends le contrôle du septième jour. Prends le contrôle du huitième jour. Prends le contrôle du neuvième jour. Prends le contrôle du dixième jour. Prie avec moi jusqu'au trentième jour. Prends le contrôle du onzième jour, Seigneur. Je te recommande le douzième. Au nom de Jésus, le douzième jour de ce mois. Je te recommande le treizième jour de ce mois. Le quatorzième jour de ce mois. Le cinquième, le quinzième jour, Seigneur. Tout le sixième jour, toutes les heures. Je te recommande le seizième jour, Dieu des dieux. Le 17e jour, sois Seigneur, Seigneur mon Dieu. Le 18e jour, le 19e jour, le 20e jour de ce 11e mois. Seigneur, tu es le roi des rois. Prends le contrôle du 19e jour, du 20e jour, du 21e jour, le 22e jour, le 23e jour, le 24e jour, le 25e jour, le 26e jour, Seigneur. Le 27e jour, le 28e jour, le 29e jour, le 30e jour de ce mois. Je ne sais pas si ce mois est un 31, mais je te recommande tout ce mois, Seigneur. Je te recommande toutes les heures. Je dis, Satan, tu ne vas pas lever la tête dans ma vie en ce 11e mois. Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie en ce 11e mois. Tous les plans de l'ennemi contre moi en ce 11e mois sont nuls et sans effet. Commence à annuler tous les plans de l'ennemi contre toi en ce 11e mois. Dis, tous les plans de l'ennemi, nuls et sans effet. Tous les plans de l'ennemi contre ma maison en ce 11e mois-là, les 30 ou 31 jours. Je dis, Jésus, merci, 30 jours. Je dis, au nom de Jésus, je trempe toutes ces 30 jours dans le sang de Jésus. J'éloigne tout malheur de ma vie en ces 30 jours. Aucun malheur ne m'atteindra. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, en ce 11e mois, c'est que la faveur de Dieu. Je détruis les pierres. Je détruis les accidents. Je chasse la mort. Je détruis les maladies, les problèmes que Satan a programmés contre moi ce 11e mois. Parce qu'ils ont fait des programmes contre toi pour chaque mois. Chaque mois a ses programmes. Chaque mois a ses programmes. Toi, tu dois détruire ça en ce mois. Tous les mois, tu dois prier comme ça. Dis, Seigneur, tout ce qu'ils ont préparé le mois-ci. Contre moi, contre ma maison, contre ma famille. Je détruis ça au nom de Jésus. Tu as le pouvoir. Le diable te fatigue parce qu'il sait que quand tu es fatigué, quand tu ne fais rien, et il prospère. Mais nous, nous sommes debout pour annuler leur programme. Tout ce qu'ils ont prévu en ce mois pour détruire mon foyer, je dis que ça ne va pas s'accomplir. Je détruis au nom de Jésus tous les pièges, tous les plans. J'annule ça. Nous sommes en train de prier. Nous allons commencer notre programme aujourd'hui. Pour prier pour nos foyers, pour prier pour ceux qui veulent se marier. Je vous ai dit dans un live, j'ai une de mes filles avec qui j'ai prié. Elle m'a envoyé le témoin l'autre jour qu'elle est enceinte. Je priais pour les femmes enceintes. Elle me dit, maman Dédé, j'ai été ménopausée à 26 ans. 26 ans ménopausée. Peut-être je vais vous faire écouter ça le soir, le témoignage là. 26 ans. Elle dit, quand tu as prié pour les femmes qui voulaient accoucher, maman Dédé, j'ai fait le rêve que ma marâtre est venue me remettre un bébé. Elle a fui. Maman Dédé, je suis enceinte. Les foyers, ils ont programmé détruire ton foyer. C'est aussi le mois-ci qu'on a dit que ton mari va t'abandonner, ta femme va t'abandonner, ta femme va mourir, tes enfants. Mon ami, lève-toi, annule les programmes là. Ceux qui veulent se marier, la majorité de mes filles sont déjà fiancées. Je plaide. Tu crois que c'était au programme passé ou avant le programme passé, on a prié pour les gens qui voulaient les relations, les mariages, avec les actions prophétiques et tout, et tout, et tout. C'est derrière les mariages. Maman, il y a tel qui veut m'épouser, il est gentil. Nous sommes en train de prier pour que ça se concrétise. Il y en a qui se sont mariés, qui vivaient en concubinage. Le programme, si, que nous commençons aujourd'hui, là, tu n'es pas en retard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, il y en a qui sont en train de rembourser leurs dettes. Il y en a qui étaient endettés plus. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes. Ouvre ta bouche et prie. Prie, dis au nom de Jésus, tous les programmes qu'ils ont contre mon foyer le mois-ci, ça ne va pas marcher. C'est le mois-ci qu'on a préparé une sirène des eaux pour venir séduire ton mari. On a préparé un tatiwata pour venir séduire ton mari. Commence à envoyer le feu au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce mois-ci, tout programme satanique pour me mettre dans le trouble, pour m'attrister, je m'élève avant que le jour ne se lève. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ. Je dis par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, par le feu, par le soufre. Peut-être c'est ce mois-ci qu'ils ont prévu tuer, détruire tes enfants, annuler la vie de tes enfants. Lève-toi et détruis ça au nom de Jésus. Tout programme contre mes enfants en ce mois-ci est nul et sans effet. Tous les programmes de malheur, les programmes de souffrance. Je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir. Ma Bible dit qu'après avoir souffert un peu de temps, je ne souffre pas toute ma vie. La souffrance, ce n'est pas moi le reste du temps que je vais vivre sur la terre encore. Ça sera meilleur. 2021 pour moi sera meilleur. Oui, au nom de Jésus-Christ. Même s'il y a quoi sur la terre, je dis moi pour moi, ça sera bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, annule tous les programmes contre toi en ce 11e mois-ci. Déclare que tous ces programmes sont nuls et sans effet. Déclare que tous ces programmes sont anéantis. Déclare que tous ces programmes-là sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je dis amen. Commence à bénir ton mois. Déclare, qu'est-ce que tu veux voir? Vous avez écouté le témoignage? La femme, comment Dieu l'a bénie financièrement? Une grosse somme d'argent. Elle a dit, tu as écouté. Grosse somme d'argent, elle ne s'attendait pas. Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi en ce 11e mois-ci? Toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi depuis l'année, tu n'as pas encore reçues. Fais cette prière de foi avec moi ce matin. Quand Dieu te bénit, pense aussi à moi. Ne fais pas que Dieu te bénit. Après, tu m'envoies seulement le témoignage. Ah, maman, Dieu m'a béni, tu ne penses pas à moi. Non. Le canal par lequel Dieu est passé, toi aussi bénis ce canal et Dieu te bénira davantage. Dis Seigneur, ce mois-ci, je me connecte pour des bénédictions extraordinaires. Ce mois-ci, c'est mon mois où je serai béni comme je n'ai pas été béni les 10 premiers mois de l'année. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu fais cette prière, donne ton adresse, ton numéro de téléphone si tu veux. Dis Seigneur, Saint-Esprit, je suis à telle adresse. Mon numéro de téléphone, c'est le 0033-760-09-48-18. Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, ne me laisse pas tomber. Saint-Esprit, visite-moi. Seigneur, envoie tes anges dans ma maison. Voici mon adresse. Seigneur, mon Dieu, tous les paquets qui sont restés en suspension dans mon ciel depuis que l'année a commencé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, en ce mois-ci, que ces paquets-là me localisent. Voici mon adresse. Seigneur, bénis-moi. Les papiers que j'attends au nom de Jésus, en ce 11e mois, je les reçois au nom de Jésus. Je les reçois au nom de Jésus. Seigneur, je reçois. Accorde-moi la grâce de recevoir mes grâces, de recevoir l'enfant que j'attends depuis, de recevoir la santé que je cherche depuis, de recevoir le mari que je cherche depuis, la femme que je cherche depuis, la paix que je veux depuis. Je le reçois ce 11e mois. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Alors fais comme je suis en train de faire. Je reçois au nom de Jésus. Je Je reçois au nom de Jésus. Je reçois ma libération en ce 11e mois. Je reçois l'exaucement à mes prières. Fais le geste que je suis en train de faire. C'est très prophétique. Dis, Seigneur, le 11e mois-ci, c'est le mois de où je reçois. C'est le mois de mon exaucement. C'est le mois de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Seigneur, tu m'as beaucoup promis. On a tellement prophétisé sur toi. Il y a des promesses de Dieu dans ta vie. Alors reçois cela au nom de Jésus. Seigneur, toutes les paroles prophétiques qu'on a déclarées sur moi, je reçois l'accomplissement. Je reçois la matérialisation. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois cela au nom de Jésus. Toutes les prières que je t'ai élevées depuis que l'année a commencé, Seigneur, je reçois cela au nom de Jésus. Oh, prie comme moi. Fais les mains comme ça. Dis, Seigneur, je reçois toutes mes grâces ce matin. Mes portes s'ouvrent, Seigneur. Mes portes s'ouvrent en ce 11e mois. Toutes les portes qui étaient fermées sur mon chemin, cette porte-là s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce 11e mois, c'est le mois où je vais te célébrer. C'est le mois où je vais témoigner. C'est le mois où je vais te louer. Seigneur, je reçois mes grâces. Je reçois les bonnes nouvelles. Je reçois les bonnes choses. Je reçois. Alors, prie au nom de Jésus. Donne au Seigneur ton adresse. Dis, Seigneur, j'habite à telle rue, tel numéro. Ma maison est à tel endroit, dans tel quartier. Mon numéro de téléphone, 00337 60 09 48 18. Seigneur Saint-Esprit, que mon téléphone reçoive une bonne nouvelle. Oui, je reçois dans ma boîte à lettres un courrier de bénédiction. Je reçois, Seigneur, tout ce qui était bloqué dans ma vie depuis que l'année a commencé est débloqué à partir de ce 11e mois. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus tout ce qui était fermé. Seigneur mon Dieu, les bonnes choses, ça s'ouvre au nom de Jésus. Ce mois, c'est mon mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les 30 jours, ce sont les 30 jours de ma bénédiction, de la transformation de ma vie. Dieu a créé le monde en 6 jours. En 30 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. Dis, Seigneur Jésus, tu as créé le ciel et la terre en 6 jours. Donc, en 30 jours, tu peux faire trop de choses dans ma vie. Par la foi, Seigneur, je reçois. Parle avec moi au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je reçois. En 30 jours, tu peux te marier. En 30 jours, tu peux concevoir. En 30 jours, tu peux avoir l'argent. Dieu peut effacer tes dettes en 30 jours. Alors, prie avec moi ce matin. Dis, Seigneur, ce 11e mois-ci, au nom de Jésus, le dernier virage de 2020. 2020 n'est pas encore fini. Ça, c'est mon dernier virage. Et je reçois. Je sais que même si l'année était difficile, en un mois, Dieu peut me faire rire. En un mois, Dieu peut essuyer mes larmes. En un mois, Dieu peut guérir mes enfants. En un mois, Dieu peut restaurer ma vie. Si Dieu a créé le monde, le ciel et la terre en 6 jours, en 30 jours, 30 jours, c'est 6 fois combien? 6 fois 5. Ça veut dire qu'il peut le créer encore. Il peut faire, en 30 jours, Dieu pouvait faire 5 mondes. 5 ciels et la terre. Donc, en 30 jours, Dieu peut créer ta vie 5 fois. Il crée, il recrée encore, il crée encore, il recrée encore. En 30 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. Dis, Seigneur, en 30 jours. En 30 jours, 6 fois 5. Tu peux faire ce que personne ne peut faire dans ma vie. Ce que personne ne peut imaginer dans ma vie. Seigneur, recrée ma vie. Ma vie n'a pas de sens. Je prie qu'en ce 11e mois, tu mettes de l'ordre dans ma vie, que tu recrées ma vie, que tu donnes un sens à ma vie. Au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de prier avec quelqu'un? Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous, on n'a pas culte. Hein? Donc, toi, tu peux. Toi qui vas aller à l'église, parce qu'après, hein, il faut aller à l'église. Hein. Voilà. Ceux qui ne prient, qui ne vont pas à l'église, qui sont confinés comme moi, on prie. Mais après aussi, si tu n'es pas confiné, va à l'église. Alléluia. Dis, Seigneur, en ces 30 jours, rebâtis ma vie. En ces 30 jours, Seigneur, donne un sens à ma vie. Le diable a saccagé ma vie. Le diable a mis du désordre dans ma vie. Depuis que je suis sur la terre, ma vie n'a pas de sens. Depuis que l'année a commencé, ma vie est sens dessus, dessous. Je ne comprends pas. Ma vie, il y en a qui n'ont même plus le goût de vivre. Mais prie au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, en ces 30 jours, mets de l'ordre dans ma vie. Mets de l'ordre dans ma vie, Seigneur. Mets de l'ordre dans ma maison. Mets de l'ordre dans mes finances. Mets de l'ordre dans mon corps. Je ne comprends pas mon corps, j'ai les douleurs partout. Seigneur, en ces 30 jours, je sais que tu peux me guérir. En ces 30 jours, je sais que tu peux me restaurer. En ces 30 jours, tu peux m'aider à rembourser les dettes que j'ai. En ces 30 jours, tu peux me délivrer de mes ennemis. En ces 30 jours, ces esprits qui me tourmentent peuvent partir de mon corps. Je prie par la foi. Hébreu 11 nous dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une des démonstration de celle qu'on ne voit pas. Seigneur, ces 30 jours, j'ai la foi. Je sais au nom de Jésus-Christ que tu peux agir. Seigneur, agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. En ces 30 jours, Seigneur, je viens te présenter ces 30 jours du 11e mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ces 30 jours du 11e mois, je ne veux pas finir l'année comme ça. Je prie, Seigneur, que tu interviennes, que tu interviennes, que tu interviennes. Seigneur, étends ta main sur ma vie en ces 30 jours. Étends ta main dans mes affaires. Tu peux changer la figure de mon entreprise. Tu peux restaurer, Seigneur, mon entreprise. Mon entreprise qui n'a pas travaillé depuis le début de l'année avec les confinements. Mais en 30 jours, tu peux faire des recettes que tu n'as pas pu faire toute l'année. Prie avec moi au nom de Jésus. Dis, Seigneur, en ces 30 jours, mon entreprise ne va pas mettre la clé sous le paillasson. Mon entreprise ne va pas déposer son bilan. Je suis en train de prier, Seigneur, en ces 30 jours, je peux faire des recettes que je n'ai pas fait, Seigneur, depuis que l'année a commencé. Prie avec foi. Dieu est en train de te localiser. Et pendant que tu pries, donne l'adresse de ton entreprise. Dis, Seigneur, mon entreprise est située dans telle ville. C'est à Paris, à telle rue. Seigneur Jésus, en ces 30 jours, tu peux. Tu peux arrêter l'hémorragie dans mon entreprise. Tu peux arrêter, Seigneur. Notre Dieu, il est Dieu. Nous ne prions pas un mort. Nous, on prie les vivants. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ a vaincu la mort. Oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? Notre Dieu, il est ressuscité. C'est pour ça que nous l'adorons. Tous les autres prophètes sont en train de pourrir. Mais Jésus, pardon, est vivant. Jésus est ressuscité. Il est partout en même temps. Il est là pendant que nous sommes en train de prier. Il t'écoute pendant que tu pries. Dis, Seigneur, en ces 30 jours-ci, en ces 30 jours, je mets ma force en toi. Je mets ma confiance en toi. Seigneur, mon entreprise, je suis maintenant en train de prier pour ceux qui ont des entreprises qui ont été saccagées par le COVID, qui ont été saccagées par je ne sais pas quoi. Et il y en a qui font des grèves de faim maintenant parce qu'on est encore confiné. Je viens t'apporter une parole de réconfort. Jésus-Christ de Nazareth a béni Isaac dans le désert. Ma Bible dit que dans le désert, il y a eu la famine. Isaac a semé dans le désert. Il est devenu riche, fort riche. La Bible dit qu'il s'allait, il allait en s'enrichissant. Je prie pour quelqu'un qui a une entreprise. Je dis au nom de Jésus, même dans ce désert, Dieu est capable de te bénir. Alors dis, Seigneur, en ces 30 jours, en ces 30 jours, envoie la vidéo s'il y a quelqu'un qui a une entreprise, qui est en train de pleurer. Beaucoup sont en train d'aller se suicider. Beaucoup se sont suicidés. Parce qu'ils disent que oui, je suis mort. Mon ami, tu n'es pas mort. Je chasse la mort de ta vie. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Ton entreprise ne mourra pas. Dis, Seigneur, en ces 30 jours, tu vas ressusciter mon entreprise. Tu vas ressusciter mes affaires. Tu vas ressusciter mes projets. Tu vas ressusciter, Seigneur, au nom de Jésus, quel que soit ce qui se passe dans le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Jésus qui a créé le monde. Il est l'auteur de la vie. Il est le patron du monde. Même s'il y a les confinements, même s'il y a le COVID, ton entreprise peut ressusciter. Dis, Seigneur, en ces 30 jours, mon entreprise ressuscite. Mon entreprise ressuscite. Est-ce que tu sais que tu peux faire en une journée la recette que tu n'as pas faite toute l'année, qui couvre toutes tes dépenses et tu gardes le bénéfice? Les incrédules glissaient sur ma vidéo. Si tu as la foi, cette parole s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Dieu va te bénir, ne m'oublie pas, viens me bénir aussi. Alléluia. Je prie pour ceux qui ont des entreprises. Dis, Seigneur, en ces 30 jours, ressuscite mon entreprise. Ressuscite mes entreprises. Ressuscite mes affaires. Ressuscite mes activités. En ces 30 jours du 11e mois, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus, là on a enterré ma vie financière, ça ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus, en ces 30 jours, Seigneur, tu peux changer ma vie financière. Tu peux changer ma situation, Seigneur. En ces 30 jours, Seigneur, fais quelque chose. Je prie pour un miracle, des miracles dans ma vie en ce 11e mois. C'est mon mois de miracle. C'est mon mois d'exaucement. C'est mon mois de restauration. C'est mon mois de bénédiction. C'est mon mois d'élévation. C'est mon mois d'honneur. Au nom de Jésus, Seigneur, tout ce que je vais faire en ce 11e mois, je prie que cela réussisse. Ouvre ta bouche et prie. Dis, Seigneur, tout ce que je fais en ce 11e mois, ça doit réussir. Au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre sur ma tête en ce 11e mois. Est-ce que tu es là pour prier ce matin? Dis, Seigneur, en ce 11e mois, en ces 30 jours, ouvre le ciel sur ma tête, ouvre le ciel sur ma tête, ouvre le ciel sur ma tête, que le ciel du 11e mois s'ouvre sur ma tête, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es habitué à voir les relations qui se brisent. Dis Seigneur, en ce 11e mois-ci, aucune de mes relations ne va se briser. Si quelqu'un vient me demander un mariage le 11e mois-ci, c'est que c'est le bon mariage. Prie au nom de Jésus. C'est toi qui programme ta vie. À l'école d'Esther, on vous enseigne à programmer vos vies, à ne plus subir les programmations des autres. Beaucoup vivent que ce que les autres ont décidé depuis des années. Tu as 50 ans. Tu es incapable de programmer ta vie. Tu vis des choses que tu ne maîtrises pas. Tu vis des choses que tu ne veux pas vivre parce que tu ne t'es jamais levé pour rebâtir ta vie. Pendant que je priais, le Seigneur m'a mis à cœur pendant ce dernier programme, de dire aux gens, d'enseigner aux gens à rebâtir leur vie. Et nous allons rebâtir les vies, rebâtir les foyers, rebâtir les relations, rebâtir beaucoup de choses. Alléluia, nous allons rebâtir beaucoup de choses. Dis au nom de Jésus, Seigneur, ce mois-ci, pas de fiançailles brisées, pas de déception dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es spécialiste des déceptions sur déceptions. Toute personne qui vient vers toi, c'est pour te décevoir. Dis le 11e mois-ci, je ne serai pas déçu. Au nom de Jésus, ce n'est pas un mois de déception. C'est toi qui décides ce que tu veux vivre. Et tu vis, tu es le fruit de tes décisions, de tes choix. Si tu laisses les autres décider pour toi, alors c'est toujours un choix. Alors décide que ce mois-ci, le 11e mois-ci, ce n'est pas un mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de déception. Aucune déception. Toute personne qui vient pour me décevoir, en ce 11e mois, je te chasse de ma vie. Elle dit que tu ne vas pas me localiser le mois-ci. Je chasse toutes les déceptions, les personnes qui viennent pour me décevoir, pour me mentir, pour me perdre le temps, libérer mon chemin le 11e mois-ci. Parce que le 11e mois-ci, je dois courir vers le but. Je dois rattraper le temps que j'ai perdu depuis que l'année a commencé. Donc, vous qui venez pour me perdre encore le temps là, je vous mets hors d'état de nuit. Je vous chasse de ma route. Je vous chasse de mon chemin. Chasse-les au nom de Jésus. Je ne suis pas là pour les déceptions. Je vous chasse de ma vie. Je vous chasse de ma maison. Je vous chasse de mon chemin. Pas de déception. Le feu sur ma route. Toutes les personnes de déception, les projets qui vont me décevoir, quittez mon chemin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avant qu'on ne se sépare ce matin. Dis Seigneur, ce mois-ci, c'est mon mois. Ce mois-ci, c'est mon mois. Ces 30 jours-ci, ce sont mes jours. Seigneur Jésus, si je n'ai jamais témoigné, je vais témoigner le mois-ci. Tu es le spécialiste des cas impossibles. Le spécialiste de toute impossibilité, de toute possibilité. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Ce n'est pas sur ma vie. Écoute-moi, écoute le sujet de prière ici. Dis à Dieu qu'un, toi tu es le spécialiste des cas impossible. Ce n'est pas avec moi que ça ne va pas marcher. Non. Ce n'est pas chez moi là que toutes tes possibilités finissent. Hein? Tu as vu ça où? Toi, tu fais des choses impossibles. Tu fais des gens traverser dans la mer. Tu crées les chemins dans le désert. Mais quand c'est moi, Seigneur, tu es incapable. Non, ce n'est pas chez moi que tu vas devenir incapable, Seigneur. Ce n'est pas ton incapacité ne commence pas chez moi. Ton incapacité ne commence pas dans mon cas. Ton incapacité ne commence pas à mon niveau. Tu es capable, mon frère, reste capable partout, même chez moi. Quand je prie, hein, si vous m'écoutez prier, vous allez mourir de rire. Je dis à Dieu que Seigneur, non. Tu es, la Bible dit que rien n'était impossible. Donc ce n'est pas chez moi que tu vas commencer l'impossibilité. Ce n'est pas chez moi que tu vas commencer à dire que tu ne peux pas. Tu peux, Seigneur. Tu es le Dieu de toute possibilité. Seigneur, cette situation, c'est possible. C'est possible que tu me bénisses. C'est possible que tu me restaures. C'est possible que tu m'élèves. C'est possible que tu me guéris, Seigneur. Ce n'est pas chez moi que ton pouvoir de Jéhovah Rapha va finir. Seigneur, non. Chez moi aussi, ça doit marcher. Au nom de Jésus, parce que je suis aussi ta fille. Au nom de Jésus, j'ai appris que tu guéris. J'ai appris que tu bénis. J'ai appris que tu restaures. Seigneur, ce n'est pas chez moi que ta puissance là va finir. C'est chez moi aussi que ça va se manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai appris que tu donnes les enfants, Seigneur. Ce n'est pas chez moi que toi tu deviens incapable de libérer mes troubles. Ce n'est pas chez moi que tu deviens incapable de me donner un mari, de me donner une femme, de me donner des enfants, de me donner un travail. Ce n'est pas chez moi, Seigneur, que tes pouvoirs, que ta toute puissance est limitée. Tu ne peux pas être limité pour moi, Seigneur. Si tu es illimité pour tout le monde, tu ne peux pas, ce n'est pas chez moi que tu vas apprendre à mentir. Ta parole dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur Jésus, prie comme ça, dit Seigneur, je ne suis pas un cas isolé. Je suis aussi ton enfant. Ce n'est pas chez moi que tout est bloqué. Pendant que toi, tu débloques les cas difficiles chez les autres. Débloque aussi pour moi, Seigneur, en ces 30 jours-ci. Oui, Seigneur, fais aussi pour moi, comme tu as fait pour Anne, comme tu as fait pour Sarah, comme tu as fait pour l'autre. Fais aussi pour moi, tu as fait pour Esther. Fais aussi pour moi, tu as fait pour Jésus. Fais aussi pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, visite-moi ce mois. Je sécurise mon 11e mois. Ouvre ta bouche. Dis, Seigneur, je sécurise toutes mes bénédictions en ce 11e mois. Si Satan, tu ne vas rien voler dans ma vie. Tu ne vas rien voler parce que parfois, on finit de prier comme ça. Dieu exauce, hein, mais le diable vient voler. Sécurise tes bénédictions. Dis, Satan, je sais que tu rôdes, mais j'ai dit le 11e mois-ci, tu ne voles rien dans ma vie. Tu ne voles rien. Tu ne voles pas ma vie, tu ne voles pas mon âme, tu ne voles pas mon esprit, tu ne voles pas mon argent, tu ne voles pas mon mari, tu ne voles pas mes enfants. Tu ne voles rien dans ma vie ce 11e mois-ci. Je sécurise toutes mes bénédictions dans le sang de Jésus, dans le feu du Saint-Esprit. Tu ne vas rien voler. Toi, voleur qui rôde, en ce 11e mois, toutes mes grâces sont sécurisées, toutes mes bénédictions sécurisées, toutes mes avoirs sécurisées, mon argent sécurisé, mes relations sécurisées, mon mariage sécurisé, mes enfants sécurisés. En ce 11e mois, tout est sécurisé dans ma vie. Je sécurise ma maison, je sécurise mes biens matériels, je sécurise mes personnes physiques, je sécurise mes bienfaiteurs, les personnes qui Dieu a destinées à me faire du bien. Je vous sécurise au nom de Jésus. Aucun malin ne va vous atteindre. Satan, tu ne vas rien me voler le 11e mois-ci. Je te préviens, tu as m'a volé pendant 10 mois. Avec ton affaire de COVID là, tu es venu me voler dans les rêves. Au nom de Jésus, je sécurise mon 11e mois. Zéro volage. Je ne sais pas comment on dit ça. Zéro vol. Tu ne me voles rien, Satan. Je ne perds rien ce 11e mois. Toutes les grâces, toutes les bénédictions s'accomplissent. Toutes mes bénédictions quittent le spirituel. Ça se manifeste. Commence à prier, dis Seigneur, que mes bénédictions quittent le monde spirituel et que mes bénédictions se manifestent physiquement. Parce que moi, je suis physique. Les bénédictions qu'on voit dans les rêves, là, moi, je ne veux pas ça. Je veux les vrais que je touche. Pas que tu vas commencer à rêver que tu conduis une grosse voiture, tu habites dans une grosse maison, non. Seigneur, je veux le concret. Ouvre ta bouche et parle. C'est dans la précision que Dieu nous exauce. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Seigneur, je veux le concret. Que les bénédictions là quittent le spirituel, qu'elles deviennent physiques. Jésus a quitté le spirituel, il est venu physiquement sur la terre. Hein? Il est venu en chair et en os. On l'a vu. Il est mort, il est ressuscité physique. Dis Seigneur que mes bénédictions quittent le spirituel en ce 11e mois et que mes bénédictions deviennent physiques. Je vais témoigner les bénédictions physiques, les délivrances palpables, les guérisons avec des preuves, comme le monsieur qui a guéri de la leucémie ici. Peut-être je vous ferai écouter son témoignage le soir. Il dit, maman, Dédé, Dieu m'a guéri. Tout a disparu dans mon corps. Cancer du sang. Avec les preuves à l'appui, le médecin a attesté, il n'y a plus rien dans ton sang. C'est les bénédictions comme ça qu'on veut, les témoignages comme ça qu'on veut. Je suis enceinte avec le test de grossesse. Je suis guérie avec le rapport du médecin. Seigneur, je ne veux plus les bénédictions des rêves. Je veux les bénédictions physiques au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est venu physiquement sur la terre nous sauver. Par la puissance du Saint-Esprit, les bénédictions physiques. Je dis en ce 11e mois, mes bénédictions se matérialisent. Mes bénédictions se matérialisent. Mes bénédictions se matérialisent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Mes bénédictions se matérialisent. Par la puissance de Dieu. Mes bénédictions se matérialisent. En ce 11e mois de 2020. Au nom de Jésus. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Seigneur, toutes les promesses que tu m'as faites. Ça s'accomplit en ce 11e mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci parce que je scelle toutes ces bénédictions, toutes ces prières dans le sang de Jésus de Nazareth. Ceux qui sont arrivés à la fin, réécoutez dès le début. Nous avons écouté un témoignage très puissant, comment Dieu a béni une femme, l'a délivrée de la mort d'un accident mortel, l'a béni financièrement. Et nous sommes en train de prier, nous avons prié pour recommander notre 11e mois entre les mains du Seigneur. Tu vas voir ce que tu vas vivre le mois-ci. Il y a un dernier sujet de prière que je veux que tu fasses avant qu'on ne parte. Les mauvais rêves, le mois-ci. Il faut que tu dises que Seigneur, le mois-ci, je ne fais aucun mauvais rêve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie. Ça, c'est le dernier sujet de prière. Dis en ce 11e mois-ci, les mauvais rêves, je vous maudis. Je vous maudis, aucun mauvais rêve en ce 11e mois. Les repas dans les rêves, les couches de nuit, les poursuites dans les rêves. Je vous détruis, je dis aucun mauvais rêve. Du 1er au 30, zéro mauvais rêve. Je dors en paix. Je dors paisiblement. Je dors, je me réveille. Je dors, je ne me réveille pas avec les douleurs partout. Je ne me réveille pas épuisé. Je me réveille en forme. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis maman Dédé, maman Tiala. Soyez bénie. Je vous ai un peu dit comment est-ce qu'on prie pour consacrer son mois. Et aujourd'hui, c'est la fête des morts, des Toussaint, de tout ça là. N'allez pas dans les funérailles. On ne prie pas pour les morts. Oh, les affaires de RIP là, repose en paix. C'est des mensonges. Quelqu'un qui n'a pas travaillé sa vie, qui n'a pas reçu Jésus vivant, qui n'a pas, s'est pas confessé avant de mourir, ne peut pas aller au ciel. Même si on va faire les messes pour la personne, même si on met des bougies, la bougie ne peut pas ouvrir la porte du ciel pour toi. Ça, c'est le mensonge du diable. Donc aujourd'hui, c'est la fête des morts. N'entrez pas dans ça. Quittez des dents. Si vous avez fait ça avant, répentez-vous. Chassez les esprits de mort de vos vies. Brisez les alliances avec les esprits des morts. Éloignez la mort de vos maisons et appelez la vie. Invoquez la vie en vous, dans vos enfants, dans vos activités. Faites appeler la vie, chasser la mort. La mort n'est pas bien. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Aujourd'hui, nous commençons notre programme délivrance des foyers, délivrance des célibats, prière pour les enfants, délivrance personnelle. Vous n'êtes pas en retard. Vous pouvez encore vous inscrire. Mais ceux qui sont déjà là, on va commencer aujourd'hui. Je vous envoie les programmes. Tout. Ne vous en faites pas. Alléluia. Et pendant ce mois, nous allons prier. Et Jésus-Christ de Nazareth, que nous prions, que nous adorons, qui va se manifester? C'est lui qui vous fait du bien, c'est lui qui vous délivre. Je ne suis qu'un instrument, un canal qu'il utilise pour vous faire du bien. Donc, partagez cette vidéo. Est-ce que vous, tous ceux qui sont connectés, je vous demande une faveur. Allez sur YouTube, Tam des Nations et YouTube, l'École d'Esther. Allez vous abonner, ça ne vous coûte rien. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube de l'École d'Esther. Et le Seigneur vous fera du bien. Le Seigneur va vous bénir. La mort est partie de vos maisons. Ce soir, je vous reviens avec un témoignage vivant. Comment est-ce qu'une grand-mère sorcière a détruit la vie de son fils? Écrivez-moi sur WhatsApp 00337 60 09 48 18. que ceux qui sont là leur donnent mon numéro. Une grand-mère a détruit la vie de son fils. Elle a pris les feuilles de composition de ses petits-fils pour aller avec à la sorcellerie. On l'a attrapé, on a trouvé ça dans son sac. Les enfants sont devenus bêtes. Le père a quitté la maison jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, le soir-ci, c'est ce qu'on va parler. Envoûtement par les figurines. Je vous ai parlé de ça l'autre jour et j'ai eu ce témoignage. Et je vais vous faire écouter d'autres témoignages de délivrance à l'école d'Esther par la grâce de Dieu. Hein? Partagez la vidéo, connectez-vous. Invitez les gens à entrer dans le groupe de l'école d'Esther. Là, nous faisons des prières. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour moi aussi. Que le Seigneur m'accorde sa grâce. Parce que je suis dans le combat avec les démons. Ce n'est pas facile. J'ai besoin aussi qu'on me soutienne dans la prière. Comprenez, vous voyez que parfois, c'est mon visage qui a été attaqué, mais le Seigneur est vivant et je ne vais pas arrêter de servir le Seigneur à cause des petites simagries de Satan jusqu'à la gare. Jésus et moi, c'est juste pour l'éternité, le ciel à tout prix. Alléluia. Donc, quand tu pries aussi chez toi, dis Seigneur, étends ta main sur Maman Dédé, qu'elle soit protégée, qu'elle soit fortifiée. Protège-la contre toute attaque, tout retour d'esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta maison, je bénis ta vie et je te souhaite une bonne journée. Si tu n'es pas confiné, va à l'église. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Bon 11e mois de l'année. Je bénis ton mois. C'est un mois de bonnes nouvelles. Quand Dieu va te bénir, ne m'oublie pas. Alléluia.